6. 1. Ça, c'est la Côte d'Azur. 2. Ça, c'est un fromage emmental. 3. Ça, c'est la lettre H. 4. Ça, c'est un dictionnaire. 5. C'est le premier jour de classe? 6. Ça s'écrit avec deux N?